C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher. C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher. C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher, maman. C'est bientôt l'éclipse et je voulais embrasser. C'est bientôt l'éclipse et je voulais embrasser l'amour de ma vie, mais je ne l'ai pas trouvé, maman. C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher. C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher. C'est bientôt l'éclipse et je vais me coucher, maman. C'est bientôt l'éclipse et je voulais embrasser. C'est bientôt l'éclipse et je voulais embrasser l'amour de ma vie, mais je ne l'ai pas trouvé, maman.